Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Du pop rock dans le blues, épisode 12, et ça rime. On attaque tout de suite avec Beverly Joe Scott, un double CD en 2005 qui s'appelle Cut and Run. Je vous propose tout d'abord La poupée qui fait non, de Michel Polnareff. Et en fin d'émission, il y aura un deuxième titre de vous verrez, il faut rester jusqu'à la fin de l'émission. Enfin, plutôt, vous entendrez. Allez, Beverly Joe Scott en 2005.

Beauty and the Beast. Marcher au plus bas déjà son plein. Je déniche une guitare dans un coin quand soudain, immédiatement, je me vois en blanc sur une estrade avec des gens devant. On m'admire, on me trouvait pas tant, on entend. Fasciné par mon rêve, je me fouille et je prends un peu d'argent. Et le tonneau marchand très content qui me tend l'instrument. Tout excité, je suis rentré et sans tarder me suis mis à gratter. Mais voilà ce que ça a donné quand j'ai fait. Hey, t'arrives pas. Le lendemain, tous les copains ont décidé de venir à Saint-Ouen s'acheter un instrument chacun pour faire un. On a bossé sans se ménager, on a fini par arriver à jouer. Et maintenant quand on se met à gratter, cela fait un petit, écoute-moi ça et prends en bataille. On joue le soir et tous les étudiants s'arrêtent en entendant l'instrument. C'est la belle vie, plus de soucis, garçons et filles se voient au paradis. Quand les breaks s'envolent à l'envie, oh vas-y. Attention, ça va faire mal. Je vous ai déjà passé Caddy Joe dans deux émissions précédentes, toujours extrait de ce merveilleux album qui s'appelle Les chansons de Pierrot, où il réinterprète les chansons du répertoire français, la chanson française traditionnelle, hein, Brassens, Aznavour, Trenet, etc. Et là, je vous propose tout d'abord Claude Nougaro, Les Don Juan, et puis ensuite Serge Gainsbourg, Sphinx, No Sphinx. Ou plutôt, No Sphinx, No. Oh, j'en suis troublé, tellement c'est beau. Caddy Joe, en 2019. Le CD s'appelle Les chansons de Pierrot. Et il le faut absolument dans votre discothèque. Ce qu'il faut dire de Fadaise pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les Don Juju, hey, nous les Don Juan. Mais chaque fois que l'on renifle la piste fraîche du jupon, pour un baiser, pour une gifle, sans hésiter nous repartons. La main frôleuse et l'œil luisant, nous les Don Juju, nous les Don Juan. Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en deux portions. 55 kilos de chair rose, de 55 grammes de nylon. C'est pas toujours un jeu d'enfant pour un don juju, hey, pour un don juan. La manucure, la dactylo, l'hôtesse de l'air, tout est bon pour notre pâture. Que le fruit soit mûr, qu'il soit vert, faut qu'on y croque à belle dent. Nous les dons Juju, hey, nous les dons Juan. Mais il arrive que le cœur s'accroche aux épines d'une jolie fleur, qu'elle nous mette dans sa poche, sous son mouchoir trempé de pleurs. C'est le danger le plus fréquent pour un don Juju, hey, pour un don Juan. Nous les coureurs du tour de taille, nous les gros croqueurs de souris, il faut alors livrer bataille ou bien marcher vers la mairie au bras d'une belle maman. Pauvre don Juju, hey, pauvre don Juan. Nous tamiserons les lumières. Même quand la mort viendra sonner, dirons notre prière. Sous un chapelet de crin de beauté, en attendant le jugement, nous les dons Juju, hey, nous les dons Juan. Toujours avec Caddy Joe. Je l'ai vidé. Frank Snow avec Rosemary. Après ce magnifique morceau, un petit peu oublié, de Serge Gainsbourg par Caddy Joe, il est temps de se quitter avec Beverly Joe Scott, un deuxième extrait de son double CD en public, Cut and Run. C'est Mona Lisa Klaxon de Jacques Higelin, bien sûr. Et il est temps pour moi de vous dire bye bye et à la prochaine. Une chanson de Jacques Higelin. Parce que Jacques, je t'aime toujours, je t'aime. Mona Lisa Klaxon. Mona Lisa avec son grand léopard. Tandis qu'elle rentre en transe dans les moldéons de Chine. De la jungle en démence monte ses concrétations divines. Divine, on a lit ses klaxons. C'était l'émission Blues Covers. Bon bonsoir.